journée porte ouverte dans une maison d'arrêt. Une récompense offerte à qui trouve la paix. Des psychiatres qui dépriment de pointer au chômage. Et l'amour qui s'exprime dans le dos du mariage. Les aiguilles d'une horloge qui prennent du bon temps. Les barbus qu'on m'éloge. Page rouge du Coran. Dans mon cœur, savez-vous quoi j'y vois? Dans mon cœur, savez-vous quoi j'y vois? Un sourd qui s'y entend pour jouer du banjo. La mort qui se levant a égaré sa foule. Des savants qui essaient de décrocher la lune. À bon coup de balai dans les grandes fortunes. Du sol de la planète s'effacent nos frontières. Les grosses salles font place nette avant nos pompes et l'air. Pinochet embaumé au musée des horreurs. Le Pen réincarné en femme de couleur. Des ovnis qui s'entraînent à dépasser les bornes. De braves taureaux qui prennent le torero par les cornes. Faire du mur de Berlin une immense pissotière. Filer un coup de main aux branleurs solitaires. Mais sur terre, voyez-vous quoi j'y vois? Sur terre, voyez-vous quoi j'y vois? On s'arrache les fourrures de bêtes bien dans leur peau. Baptise la torture, liaison sadomaso. Des boxeurs s'entretuent en y mettant des gants. Et des gosses à la rue, on la colle dans le sang. Des bipèdes d'hommes prétentieux se disent pape ou bien roi. Coluche nous dit adieu avant. Chanteur de bruyère.